J'ai pas changé, je suis le même, je reste avec tous mes carnalitos. Tu peux me trouver à la place en train d'écrire dans une Clio. Je reste à la vie toujours, je regarde pourquoi ça crie. Je crois que ça c'est pas où je suis, c'est alors je fais un gros trio. Fils de pute, fais gaffe, sans faire esprit, tu donnes des tuyaux. Je vois ce qui va t'arriver si tu fais pleurer ma mia. Mamma mia, dans la zone ça traîne nous dire. Lâche pas une fois, on sera où tu es. Appelle-moi Enrico, sur toi je vais l'hélico. Despacito, despacito, les petits dépôts de ta tête sont passés un peu mécaniciens. En temps magique, c'est comme si t'enlevais les balles au drogue au galicien. Big up tous mes voleurs qui font courir Sergent Garcin. Un 3-5, c'est pas de couteau calibre, c'est arrêté de faire dans Marcel. C'est plein de salades, chic, ça me salue, chic, ça l'ouvre. Je sais que ça se laisse, ça me dit que ça me love, mais quand même, je trouve ça louche. Je traîne avec mes carnalis, oh. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le brico. Je traîne avec mes carnalis. On veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le brico. Rien que ça rage, rien que ça slash, ça dit que ça me chasse. Les gens, je connais même pas leur ganache. Drôle de manège, ça se croit invincible. Grâce à ski, sur la neige, je suis au quartier en TDM, en lambeau ou même à patte. Je t'en fais dur, là si je veux, je m'achète mon billet sur Mars. Mamacita, mamacita, ce soir je vais pas rentrer si tôt. Elle me demande de choisir entre elle et mes carnalitos. Mamacita, mamacita, ce soir je vais pas rentrer si tôt. Elle me demande de choisir entre elle et mes carnalitos. Viens voir chemin ça tire, viens voir chemin ça tue. Viens voir chemin ça pue, la crise dans des pépins en Versailles. Moi j'ai pas la patience, moi j'ai pas la patience. Tes manières ça, ça n'a pas de sens. Ça jalouse de moi fort, ça veut me jeter le mauvais sort. Moi je sens le mauvais oeil quand je suis dans le merco compresseur. Tu es l'élève, je suis le professeur et je sais que si tu travailles plus que moi, tu peux être le patron, ton salaire je traîne avec moi. Mes carnalitos, on veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et de platine sur le trico. Je traîne avec mes carnalitos, on veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et de platine sur le trico. Je traîne avec mes carnalitos, on veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Je traîne avec mes carnalitos, on veut se déplacer en hélico. Appelle-moi l'OVNI ou même Enrico. D'or et platine sur le trico. Partes. Enrico no está en Los Ángeles. Encuentra esa mierda de gringo, vivo o muerto.